Livre 5, poème 13, Paroles sur la dune. Quand Victor Hugo compose ce poème, il est depuis un an exilé dans l'île de Jersey après avoir fui le Second Empire de Napoléon III. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir, vers l'ombre, entraîné, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour, nous triomphons, le lendemain, tout est mensonge. Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds, courbé, comme celui qui songe. Je regarde, au-dessus du mont et du vallon, et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon, toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Et je reste parfois couché, sans me lever, sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Elle monte. Elle jette un rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre, et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seul, je suis là, j'appelle. Sans qu'on me réponde, ô vent, ô flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas, hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi, le soir tombe. Ô terre, dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre, et toi, la tombe? Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir? J'attends, je demande, j'implore, je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables. L'été rit, et l'on voit, sur le bord de la mer, fleurir le chardon bleu des sables.